faut-il tout négocier? Et particulièrement, faut-il négocier les travaux? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras une petite cloche, tu cliques bien sur la cloche, ça te permettra de recevoir toutes les notifications quand je publie des vidéos, j'en publie environ 2-3 par semaine. Donc, très important pour moi, c'est de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent tout négocier, donc négocier 500 euros, 200 euros, même 2000 euros. Et en fait, ils oublient quelque chose, c'est que si tu es investisseur rentable, si tu veux faire plusieurs investissements, tu dois avoir un mindset d'entrepreneur, tu dois voir tes investissements comme un business, comme une société. Et dans une société, ce qui vaut plus cher que 2000 euros, que 3000 euros, que 5000 euros, c'est les partenaires. Se créer un écosystème autour de toi, j'en parle souvent, et se créer des partenaires. Et par rapport à ça, aller gratter 500 euros, 1000 euros chez un entrepreneur, ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, si tu sais un entrepreneur, bah, tu vas en avoir pour ton argent. Parce qu'à un moment, il faut qu'il se paye, il faut qu'il ait sa marge. Et du coup, bah, si jamais il te prend parce que bah, il n'a pas de chantier sur le moment ou juste il veut te faire plaisir, ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment, il va être pressé de finir ton chantier, tout simplement. Donc, il y aura des petites choses à rajouter parce que dans un chantier, il y a toujours des petites subtilités qu'on n'a pas vues au début, des petites choses à faire ou à refaire. Il va être juste pressé de quitter ton chantier pour passer au chantier suivant. Le numéro 2, c'est que bah, le mec, il va se faire avoir une fois. Il va avoir l'impression, en tout cas, de s'être fait avoir parce qu'à la fin du chantier, il n'aura pas autant gagné avec toi qu'avec une autre personne. Et du coup, quand tu vas le rappeler pour ton chantier d'après, il va être un peu réfractaire à venir te voir. Et du coup, tu vas devoir aller faire la même démarche pour rechercher un autre entrepreneur et ça va te prendre énormément de temps. Et ce temps-là, c'est de l'argent. Si ce temps-là, tu le passes plutôt à chercher une bonne affaire, à aller dénicher un problème, résoudre un problème sur un autre bien immobilier, tu seras largement plus gagnant qu'à gratter 500 euros ou 1000 euros. Donc attention, je ne te dis pas de prendre le plus cher du marché, mais je te dis, voilà, quelqu'un de confiance, après tu fais deux devis à côté par exemple pour comparer si vraiment il est dans les prix, parce que je te l'accorde, si c'est de confiance mais qu'il est trois fois plus cher que le marché, là je ne te parle pas de ça, je te parle juste d'aller finir une négociation à 500 euros, 1000 euros pour avoir l'impression de l'avoir saigné. C'est là où je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant et très pertinent. Maintenant, tu as ta personne de confiance qu'on t'a recommandé ou tu as vérifié ses références, tu es allé peut-être voir des chantiers, tu as vu des photos, tu as discuté avec des gens, des vrais clients qui l'ont eu. Et du coup, tu vas aller faire un ou deux devis à côté pour voir s'il est vraiment dans le marché. S'il n'est pas, bah, tu lui demandes réellement pourquoi il n'y est pas et de voir s'il peut s'aligner au prix du marché. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, ensuite, ce que je veux dire, c'est que si tu as un devis à 22 000 euros et tu as 2 ans de devis qui sont à 21 000 euros, mais que tu as un bon feeling avec lui, voilà, c'est 1 000 euros. Si tu le mets dans ton prêt, ça va te coûter 10 euros par mois et encore. Bon, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est qu'il vaut mieux gagner un partenaire que et perdre 500 ou 1000 euros que devoir à chaque fois retrouver une société de confiance. C'est un peu la même chose hein, avec les agents immobiliers, des fois de ne pas aller les saigner jusqu'au bout pour plutôt qu'ils soient motivés à te retrouver autre chose. C'est un peu différent avec les vendeurs parce qu'effectivement, eux, tu vas les avoir qu'une seule fois et donc si tu peux les saigner, sur le principe, pourquoi pas parce que tu n'as pas de relation commerciale à entretenir avec eux. Et voilà, c'est un juste milieu et cette vidéo pour moi, elle est vraiment importante parce que je vois trop de personnes qui essayent de vouloir tout saigner. Et ça me fait marrer parce que moi, dans les programmes d'accompagnement, donc j'accompagne des gens jusqu'à 10 000 euros sur une période d'environ 6 mois. Et j'ai jamais personne qui me négocie un tarif. C'est marrant quand même. Quand j'ai des gens, je leur dis, bah, c'est ce prix-là, mais je vais t'amener là et tu vas rembourser ça potentiellement en une opération ou alors en quelques mois de cash flow. J'ai jamais un client qui m'a négocié mes tarifs. Vous avez un entrepreneur qui a des charges super importantes, qui a des salariés, qui a les matières premières à acheter. Hein, au final, quand il te dit 22 000 euros de temps en temps, ouais, il a quand même une grosse somme d'argent à acheter. Alors, il a une marge certaine, mais c'est aussi des métiers qui sont super durs à faire. Et vous voulez toujours tout négocier. Est-ce que quand tu vas dans ton restaurant, tu négocies le prix? Non. Donc, dis-toi juste que des fois, il ne faut pas tout négocier. Déjà, un, parce qu'on est des gentlemen et qu'on fait les choses de manière smart, de manière élégante. Et que quand c'est le juste prix, ben c'est le juste prix, ça ne sert à rien de vouloir vraiment tout baisser, tout le monde doit gagner sa vie. Et en plus, tu vas te créer un partenariat, un réseau, et le coup d'après, imaginons que tu investisses à distance, tu dis voilà, Tu vas aller à 300 km avec tes gars, je te paye un Airbnb et pendant 2 mois, tu vas aller me faire le chantier. Tu sais que c'est fait de confiance. Tu peux lui faire confiance à peu près les yeux fermés. Alors, tu connais bien cette expression qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais là, du coup, tu vas pouvoir quand même limiter le contrôle et y aller de moins en moins souvent. Donc, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, bah, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Hein, tu peux la télécharger. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en-dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras une petite cloche, tu cliques sur la cloche et comme ça tu recevras les prochaines notifications. Et comme je dis souvent, juste kiffe la vie, profite des tiens et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!